Mandons à un homme d'arrêter son évolution. Essayez donc aujourd'hui pour demain d'arrêter d'évoluer. Tu vois comment ça se fait. T'arrêtes pas d'évoluer parce que tu as décidé d'arrêter d'évoluer. Quand tu commences à évoluer, tu as les finales. Tu continues. Mais quand on est dans la crise, on se dit, ah, man, on aimerait ça arrêter d'évoluer, puis revenir comme on était avant. Easy rider. Mais ça se fait pas de même. C'est pour ça qu'on rendu à ce point-là, mais on est obligé de réaliser une chose, c'est que il faut pas que l'homme se décourage dans la crise. Quand il est dans la crise, il faut qu'il réalise que c'est de l'énergie qui se passe, ça fait son travail. Faut que tu essayes de prendre un break. Même si tu pas capable de breaker, faut que tu essayes de prendre un break. Sans ça, tu vas mettre de l'émotion au feu, puis là, la crise va être encore plus intense. Mais tu vas vivre la crise anyway. Puis eux autres sont contents en haut quand tu es rendu sur la crise. Nous autres, on pète, on saute, tu sais, mais eux autres en haut sont contents, parce que là, ils descendent. Ils disent qu'une crise est toujours bon. Tout le temps. Et si nous autres, on est capable de comprendre ça, qu'une crise est toujours bon, fait qu'à ce moment-là, on n'a pas tendance à faire de la surenchère émotive quand on a une crise. On dit, ouais, bon, ça va se passer, là, ça va se tasser, là. Ça, c'est intelligent. Il y a un phénomène qui est drôle, vous savez, parmi vous autres. Je ne dis pas ça pour tout le monde, là. Mais il y en a qui passent des changements, ainsi de suite, petit peu tard. Puis ils reviennent tout le temps en conférence. Ils reviennent toujours aux conférences, puis ils reviennent. Il y en a qui viennent de conférences sociales. T'es revoué tout le temps. Pourquoi? Avez-vous déjà pensé pourquoi? Vous y penserez pourquoi? Moi, on va vous dire pourquoi. C'est parce que quelque part en vous, vous réalisez que ça va à peine la crise. Puis aussitôt que tu as commencé à réaliser que ça va à peine la crise, là, tu apprends de plus en plus sous contrôle. Le fait, aussitôt que tu as commencé à réaliser que ça va à peine la crise, parce qu'il faut que ça te rapporte la crise. Une crise qui ne te rapporte pas, ça, c'est de l'inconscience. Mais une crise qui te rapporte, ça va à peine. C'est pour ça que vous continuez à venir, sans ça, vous ne viendrez pas. Vous direz, Chris, il nous chambarde, il nous met à la tête, j'irai plus le voir. On n'est pas masochiste. Parce que quand on vit une crise qui est expliquée dans un contexte de l'intelligence, on s'aperçoit de deux choses. On s'aperçoit que la crise, elle a un sens, d'abord. Puis on sait qu'elle a un sens. On le sait. Parce que même si vous gueulez quand vous avez vos crises, vous le savez que vous êtes pogné dans vos maudites émotions. Vous le savez. Pas besoin de vous le dire, vous le savez. Parce que vous savez d'où à part la crise. Pourquoi est-ce que vous la vivez, cette crise-là? Vous savez que c'est vos émotions. Puis après ça, bien, vous commencez à vous fâcher contre vous-même. Puis le deuxième point, c'est que quand tu vis une crise, sans t'en apercevoir, parce qu'au début, c'est trop subliminal. Sans t'en apercevoir, tu deviens un petit peu plus intelligent de toi-même. Tu deviens un petit peu plus intelligent de toi-même. Autrement dit, tu te prends un petit peu plus en valeur. Tu te donnes un petit peu plus de valeur. Il s'ajoute un petit peu de valeur à ton toi-même. Un petit peu de valeur. Puis éventuellement un petit peu plus. Puis éventuellement un petit peu plus. Puis éventuellement beaucoup plus. Et quand l'homme commence à prendre conscience de sa valeur, pas une valeur psychologique, une valeur de vie, une valeur mentale, une valeur réelle, une valeur d'intelligence, à ce moment-là, il commence à être bien. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a des crises, il n'y a pas son travail. Moi, je le sais comment ça marche. Quand vous venez me voir, vous me dites, j'ai une crise. Maudit, je souffre. Je vais me faire sauter à ma date. Moi, il me bloque en haut. Je suis même pas capable de vous parler. Si vous me dites, mais parle-moi donc, on m'a dit, mais je te parlerai dans quelques jours. Parce que dans quelques jours, la crise va avoir été amoindrie, le travail va avoir été fait. Là, me voir, puis là, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Ah, on m'a dit, correct. Ouais, attends. Très rare, très rare. Faut que ça aille bien mal en vue d'une personne pour que je mette mon nez dans sa crise. Bien mal. Bien mal. Mais si ça va pas aussi mal qu'il pense, je mets pas mon nez dans sa crise. Puis après quelques jours, mais la tempête est passée. Il est devenu un petit peu plus intelligent. Il a compris quelque chose. C'est tout le temps de même. Tout le temps de même, puis ça sera toujours le même. Puis les crises, c'est toujours lié au problème. Tout le temps. Tout le temps. Si on savait éliminer les problèmes dans notre vie, on ne vivra pas de crise. Ils disent qu'un problème, c'est une petite blessure. La crise, c'est la grosse. C'est une putréfaction de la petite blessure, la crise. C'est parce que vous avez attendu trop longtemps à résoudre votre problème, la crise. T'attends, puis t'attends, puis t'attends, parce que vous avez des émotions. Fait qu'éventuellement, mais c'est l'abcès, c'est la crise. Mais on a la chance de ne pas attendre à l'abcès. Mais ça, c'est pas facile. Parce que quand tu as de l'émotivité, tu as de l'émotivité. Ça, c'est quasiment un problème, une situation irréductible, la relation entre la crise et le problème. On dirait qu'il y a des gens qui sont obligés de passer par la crise pour résoudre le problème. Puis quand ils ont passé par la crise une fois, après ça, c'est fini. Ou si ceux qui ont un problème, là, ils résolvent. Mais avant, on dirait qu'il faut qu'il y ait une crise. Il y en a une. Crise. Moi, j'ai beau vous dire un séminaire, vous expliquer les problèmes, vous expliquer comment est-ce qu'on doit être centrique, puis comment est-ce qu'on doit être capable, quand vient une situation problématique, de mettre la hache dedans. C'est bien beau, ça. Moi, je vous dis ça. Dans le fond, je vous parle pour demain. Mais pour vous autres, c'est pas aussi facile que ça. Fait qu'eux autres, ils nous aident en haut, c'est la crise. Ils sont chiens quand on vit une crise. Avez-vous déjà remarqué qu'une crise, quand on la vit, c'est comme si on est prête à n'importe quoi. On meurt en dedans, on meurt en dehors. On est prête à n'importe quoi. On est prête à n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est être prêt à n'importe quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ego, là. Quand tu es prêt à n'importe quoi, c'est parce que tu n'as plus d'émotion, là, qui t'empêche d'être prêt à n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire, être prêt à n'importe quoi. Ton boss, il ne se branche pas, tu es prêt à lâcher la job. S'il ne se branche pas, tu es prêt à lâcher la job. Pourquoi? Parce que tu n'as plus d'émotion dans le job. La crise, tu l'as enlevé. Une crise te rend mentale en se servant de l'énergie émotive. Dans une crise, tu deviens mental. En te servant de l'énergie émotionnelle. C'est dans une crise que l'homme se sert le plus de son corps astral. C'est dans une crise que l'homme se sert le plus de son corps de désir. C'est dans une crise que l'homme devient le plus intelligent instantanément. S'il est bien balancé, s'il n'est pas balancé, mais il se détruit. Fait qu'une crise, c'est une montagne avec deux versants très, très, très, très vertical. D'un bord, la destruction, l'autre bord, sa construction. Fait que si vous vivez des crises dans votre vie, bon, réalisez que vous êtes sur le top de la montagne, vous regardez les deux côtés. C'est à vous autres de décider dans quel bord vous voulez aller. Puis c'est simple à choisir. Seulement, si vous allez sur le bord de la construction, vous êtes obligé de vous servir de votre volonté. Sans ça, vous allez rester sur la montagne longtemps. C'est ça, l'évolution de la sixième race. Tu peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu peux pas servir l'intelligence pure et l'émotion, ou l'intellect. Et c'est là que se séparent les hommes. C'est là que se développe l'humanité forte et l'humanité faible. Les problèmes dans nos vies ont des racines. Et ces racines pointent toujours vers une terre extrêmement féconde, l'émotion. Puis on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais on le sait. On le sait, mais on ne le voit pas. Comment ça se fait qu'on le sait, mais on ne le voit pas? Ils disent qu'on le sait parce qu'on sent la douleur et la souffrance. Mais on ne le voit pas parce qu'on ne veut pas l'exécuter. On ne veut pas s'exécuter. On a peur de s'exécuter. Parce qu'on prend énormément de choses en considération qui sont le produit de la réflexion humaine. On ne veut pas s'exécuter. On ne veut pas activer notre intelligence et notre volonté. Un problème, ça masque toujours de l'émotivité. Toujours. Dans sa résolution. Toujours. Pas nécessairement dans sa construction, mais dans sa résolution. Quand vous arrivez à un problème ou qu'il y avait une crise, il y a toujours de l'émotivité dans sa résolution. C'est ça qui nous empêche de le résoudre. Parce qu'on n'a pas seulement peur de faire quelque chose, mais on a peur de faire quelque chose dont les conséquences seraient en dehors de notre portée présentement. Autrement dit, on a peur d'agir parce que si on sait que si on agit, qu'est-ce que c'est qui va arriver après? Ça, c'est l'inquiétude temporelle de l'homme. Qu'est-ce qui va arriver si je pars ma job? Je ne veux pas dire de sacrer vos jobs là, c'est pas ça que je veux dire. Je parle de la crise. Qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui va arriver? On s'inquiète toujours de ce qui va arriver après. Puis ils disent que c'est pas de nos affaires ce qui va arriver après. C'est de leurs affaires à eux autres. Ils disent que nous autres, on n'a qu'à faire notre bout de chemin, puis eux autres vont faire le leur. Nous autres vont faire notre job, puis eux autres font leur job. Ils font leur job. On s'inquiète des conséquences de nos actes. Parce qu'on craint notre intelligence. On la craint, notre intelligence. Il y a des gens qui ont tellement peur de leur intelligence qu'ils ne sont pas capables de la vivre quand ils en ont besoin. Ah, ils la vivent en dehors. Quand ils n'ont pas de besoin, là, ils la vivent, leur intelligence. Mais quand ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas capables. Puis je vais vous donner un mécanisme de ça. Les gens qui rient, du monde qui rit. Ils rient, puis ça rit, puis ça rit, puis ça rit. Ils sont toujours en joke, puis en joke, puis en joke. Les gens qui sont toujours en joke, ce sont des gens qui ont peur de leur intelligence. Ils s'en servent un petit peu quand ça va bien, quand il n'y a pas de problème, mais aussitôt que ça va mal, là, ils arrêtent de rire, tout d'un coup. Ils sont plus capables de rire. Si t'es capable de rire avant, tu devrais être capable de rire pendant. C'est pas grave. Ils rient avant. Une joke attend pas l'autre. Ça arrête pas une minute, des jokes. Ça, c'est avoir peur de son intelligence. C'est un camouflage. C'est un masque. Quand la crise vient, là, tu vois qu'il rit pas gros. Là, il rit jaune. Ça, c'est l'expression humaine. Il rit jaune. Fait que si tu veux rire avant la crise, il faut que tu puisses rire pendant la crise. Si tu veux parler d'intelligence avant la crise, il faut que tu puisses parler d'intelligence pendant la crise. Non, ça parle d'intelligence, puis du cosmique, du cosmos, du cosmos avant, Puis quand vient la crise, il tombe en bas. Il se dort la pilule avant, puis quand ça vient la crise, il tombe en bas. C'est dans ce sens-là que je vous dis que la connaissance est une illusion. Je n'ai pas d'objection de parler du cosmos avant la crise, mais quand ça viendra, tenez votre bout. Ou de vous débouter. Grand parleur, petit faiseur. C'est pendant la crise que vous n'avez besoin de toutes vos notions cosmiques. C'est pendant la crise, pas avant la crise. Avant la crise, c'est une relaxation. C'est pendant la crise que vous n'avez besoin de votre patente, de toutes vos affaires que vous savez, que vous comprenez, que vous avez saisies. C'est pendant la crise, pas après, pas avant. Si vous les utilisez avant, bien tant mieux. Mais c'est pendant que vous en avez besoin. Mais c'est pendant que vous perdez le contact avec. Moi, je connais un gars qui était très, très bon à donner des conseils à bien du monde. Il était bon. Il était bien bon. C'est à Québec aujourd'hui. Et lui, quand il était en crise, il tombait flat à terre. Puis il disait, il était assez intelligent pour dire, c'est-tu drôle, je suis capable de donner des conseils aux gens, c'est ma job, c'est ce que je fais. Positive thinking, positive training, toute la set, l'hypnose. Puis moi, quand je suis dans la marge, je suis pas capable de me sortir du trou. Il faut que ce soit un autre qui me fasse. C'est ridicule comme ça, de la connaissance. Je déteste la connaissance. Si vous saviez comment est-ce que je déteste la connaissance, vous seriez surpris. Je vous en donne par respect. Parce que pour bien du monde, la connaissance, c'est un front. C'est un front, c'est une doublure. Ça soulage leur ego. Ça leur donne l'impression d'être quelque chose, d'être dans une direction quelconque. But when the chips are down, c'est vu que la connaissance est loin. C'est ça la différence entre la connaissance et l'intelligence. Dans l'intelligence, il n'y a pas de connaissance. Il y a une de l'énergie volontaire et intelligente. La connaissance, c'est la réflexion. C'est un plaisir de l'esprit, c'est bon, ça relaxe l'esprit, c'est plaisant. Mais c'est une perte d'énergie, la connaissance. Puis un jour, vous comprendrez ça, que la connaissance, c'est une perte d'énergie. Vous comprendrez ça un jour? C'est une perte d'énergie, la connaissance. Une maudite à part ça, bien plus que vous pensez. L'homme ne se nourrit pas de connaissance. Il s'abrutit de connaissance. L'homme se nourrit d'énergie. S'abrutit de connaissance. On se remplit de connaissances. On en fait une ingestion. Puis quand vient le temps de vivre la crise, on n'est plus capable. Là, on dirait que la connaissance est plus suffisante. Et la connaissance n'est jamais suffisante. C'est jamais suffisant. C'est l'énergie qui est suffisante. Moi, j'étais malade la semaine passée, là. Je suis malade à peu près à 3 ans. Puis quand j'étais malade, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il disait, tout est correct. T'es pas malade. Chris, t'es malade. T'es à quatre pattes à terre. L'ambulance, elle vient te chercher. Les autres, ils disent, t'es pas malade. J'ai dit, qu'est-ce que je devrais faire? T'as rien à faire. T'es pas malade. Ils te mettent ça à terre, la crise de connaissance. Je suis capable de m'en trouver des remèdes, moi, pour éliminer ma patente. Avec l'énergie. Fait que ça a changé mes vibrations, puis le lendemain, j'étais correct. Fait que quand t'es malade, puis qu'ils disent, t'es pas malade, Charlie, t'es pas malade, comment que tu penserais que t'es malade? C'est ça la différence entre l'intelligence et la connaissance. Quand t'es dans la connaissance, tu te cherches des onguins. Quand tu es d'intelligence, tu subis l'énergie. Tu Tu subis le choc vibratoire sur ton corps physique, ton corps éthérique. Il dit, comment ça fait un gars comme toi, c'est malade? C'est très bon pour moi d'être malade. Je ne marche pas malade comme vous autres. C'est une autre sorte de maladie. C'est un changement vibratoire des corps. Un choc qui crée ce qu'on appelle de la maladie. Qui est composé de toutes pièces pour eux autres. S'ils te font manger des raisins pendant 15 ans, ils savent que ça va faire des raisins pendant 15 ans, au bout de 15 ans. Ils te font manger des raisins. T'aimes ça, des raisins, puis t'en manges. Au bout de 15 ans, t'es malade. Eux autres, ils savent que t'es pas malade. Ils t'ont fait manger des raisins pour que t'aies le choc au bout de 15 ans. Tu vois le médecin. C'est de même que ça marche. La différence entre l'intelligence et la connaissance. J'étais malade en maudit. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand t'es malade puis tu souffres puis les autres te disent que t'es pas malade? Là, il y a une chose qui se produit dans ton esprit, le doute. Le doute. Il joue-tu avec tes nerfs? T'es-tu après que revis puis te disent pas? Tu sais, ça passe dans ta tête vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Éventuellement, tu deviens habitué. Mais au début, t'es pas habitué. D'un coup, t'as un appendice aigu, puis ça te coule les jus en dedans. Puis eux autres, ils disent, t'es pas malade, puis ça va loin. Parce qu'eux autres sont sur un autre plan. Tout d'un coup, ils veulent t'amener sur un autre plan. Hein? Là, t'es à chienne. Tu veux pas mourir. Là, tu regardes ta femme, tes enfants, tes avoirs. T'sais? Là, t'es pris, là, entre eux autres pis toi. T'es pris entre ton corps pis ton absence de corps. T'es pas malade. J'ai été obligé de dire, comme le chien, tu sais ma formule, comme le chien. Il a dit, t'es pas malade, comme le chien. Il dit, c'est purement mécanique. OK. Fait qu'on a toutes sortes de crises dans la vie. Mais c'est quand qu'elle vient qu'il faut qu'on soit dans notre intelligence. Qu'on sache ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe, où ça mène. À ce moment-là, on ne met pas d'émotion dedans. La crise sert, changement vibratoire se fait et transmutation procède à son train. Moi, je peux pas dire aux gens ça n'existe pas la maladie, parce que les gens vont dire c'est un capoté. Ça n'existe pas la maladie. Mais il faut être dans son intelligence pour savoir que ça n'existe pas la maladie. Fait que si ça n'existe pas la maladie, même si t'es malade, t'es pas malade, fait qu'automatiquement tu te guéris. Mais si ça existe, la maladie, puis t'es pas dans ton intelligence, là, tu peux pas te guérir. C'est pour ça que la maladie existe sur la terre. Parce que les gens y croient. C'est subtil, ce que je dis. Faut que tu sois suffisamment dans ton intelligence pour te faire dire par ton intelligence que t'es pas malade quand t'es en train de crever. Pis c'est ça qui fait la différence. Entre être psychologiquement malade et être cosmiquement tout né, vibratoirement tout né, syntonisé. Mais ça, c'est les limites extrêmes de cette conscience de la maladie. Si vous êtes malade, allez voir un médecin. Le phénomène de la crise, c'est un phénomène de point dans l'évolution de la conscience humaine, à quelque échelle que ce soit. Là où il y a évolution, il y a transmutation à un niveau quelconque. Ça peut être un niveau extrêmement bas, extrêmement faible. Mais la crise, c'est la fine pointe de l'évolution. Là où il y a crise, il y a évolution. Que ce soit sur le plan matériel ou sur les autres plans. Et l'homme qui va vers la conscience universelle doit vivre des crises. Jusqu'à temps que, connaissant le mécanisme de la crise, réalisant qu'il y a de l'émotivité dans la crise, il ne souffre plus de la crise, ne subisse que les changements vibratoires qu'elle apporte. Alors, si on revient au début de la conversation, si on regarde le phénomène des problèmes, les problèmes dans la vie qui sont sous le contrôle de l'homme peuvent et doivent être résolus par l'homme. L'homme ne peut pas attendre d'avoir des faveurs. Ils doivent être résolus par l'homme, par l'individu, par son intelligence, sa volonté. Les autres sortes de crises qui sont contre son contrôle, comme certaines maladies, l'homme résolut de la même façon, mais dans un autre état de conscience, en ne mettant pas d'émotivité dans son expérience. Ça revient toujours au phénomène de l'émotion. Tout le temps, tout revient au phénomène de l'émotion. Il y a des gens qui se... Il y a des gens qui sont comme entêtés dans leur émotivité. Il y a des gens qui sont tellement entêtés dans l'émotion de quelque chose qu'ils retardent leur évolution. Ils la retardent leur évolution. Qu'un homme ait de l'émotion dans une expérience, c'est une chose. Mais qu'un homme soit entêté dans son émotivité vis-à-vis telle ou telle expérience, c'est un autre paire de manches. Et ces gens-là retardent la révolution. Et ces gens-là, s'ils doivent transmuter dans une vie, je vous garantis qu'à un certain moment, vous allez avoir une maudite claque. Si c'est réservé pour plus tard, tant mieux. Mais si c'est pour dans ce vie-ci, vous allez avoir une maudite claque dans la prochaine génération. Il y a des gens qui sont entêtés dans leur émotivité. Et quand un homme s'entête dans son émotivité, c'est parce qu'il y a en lui une pincée d'orgueil quelque part. Une pincée d'orgueil. Il y a quelque chose d'orgueil. Un jour, ils vont s'accrocher. Il y a différentes façons de vivre son émotivité. On peut la vivre, notre émotivité, simplement à cause de nos sentiments, mais on peut la vivre, notre émotivité, aussi en fonction de notre orgueil. Quand vous avez de l'émotivité et de l'orgueil ensemble, je te dis que c'est toute une combinaison. Ils vont vous faire sauter. Ils ne sont pas pressés. S'ils vous accrochent dans ce vie-ci, ben, ils vont vous faire sauter dans ce vie-ci. Vous allez en vivre une maudite crise. Parce que pour nous autres, les hommes, quand on met de l'orgueil dans notre émotivité, quand on est émotif et que notre orgueil la maintient, cette émotivité-là, ça les bloque, eux autres. Ça les bloque. Et si c'est dans votre plan de vie d'aller vers la fusion, ce qui veut dire qu'eux autres doivent descendre, faire vibrer vos corps, pénétrer dans la conscience atomique de vos corps subtils, vous allez goûter de l'air. L'homme a retardé l'évolution de la planète pendant des siècles parce que l'homme n'était pas en contact vibratoire avec les forces. Mais aujourd'hui, que l'homme est en contact vibratoire avec les forces, que ce mouvement-là est commencé dans le monde, l'homme ne pourrait plus arrêter ce processus-là. La transmutation de l'humanité doit se faire. Quand ils disent aux autres que l'homme doit en arriver à dompter son émotivité, la dompter. Et dompter son émotivité, c'est prendre contrôle petit à petit de la vie, des forces de vie. L'homme ne peut pas refuser la vie. Il peut la retenir, l'empêcher, mais il ne peut pas refuser. C'est impossible de refuser la vie. Tu peux retenir pendant un certain temps. Mais s'il faut qu'elle descende dans cette génération, tu ne peux pas refuser. Elle va rentrer. Elle va faire sauter la dame. Je dépersonnalise. Nous vous instruisons pour deux raisons. Nous vous instruisons d'abord pour vous faire reconnaître et comprendre que l'homme n'est pas l'enjeu de la vie, que vous n'êtes pas l'enjeu de la vie, quel que soit le niveau ou la densité de vos perceptions sensorielles, vous n'êtes pas l'enjeu de la vie. Ceci veut dire que vous n'êtes pas aujourd'hui ce que vous serez demain, ceux-là qui sont marqués par la vie. Et ceux qui sont marqués par la vie seront élevés dans la vie par nos forces et n'auront aucun pouvoir contre nous. Lorsque nous disons que vous n'êtes pas l'enjeu de la vie, nous disons que toute manifestation chez l'homme de son appareil subjectif, mental, émotionnel, vital, est contrôlée par les forces qui émane de nos mondes. Et toute l'humanité, au cours des siècles, sera élevée dans la même vibration. La terre n'appartient pas à l'homme. Le sol que vous foulez n'appartient pas à l'homme. Et les nourritures que vous mangez et que vous dirigez, que vous digérez, ne vous appartiennent pas. Il vous est donné l'impression de les posséder pour que vous puissiez avoir le plaisir de l'expérience. Mais un jour, il vous sera retenu le plaisir de l'expérience terrestre pour ne vivre que de la vie. Et la vie, ce n'est pas dans le temps ce que vous pouvez aujourd'hui vous imaginer. C'est pourquoi les crises que vous devrez vivre au cours des générations sont la transposition sur vos principes de vie de nos énergies. Votre crise personnelle est toujours la pénétration de nos forces sur la terre. Votre crise est toujours bonne à nos yeux, bien qu'elle soit pénible aux vôtres. Votre crise ne sert pas l'homme, elle sert la lumière. Et un jour, vous comprendrez ce que nous disons. Mais lorsque vous aurez compris que votre crise n'est que le produit de la pénétration de nos énergies, de nos forces, dans la conscience atomique de vos corps subtils, vous réaliserez que l'énergie cosmique, l'énergie que vous appelez dans vos mots cosmiques, n'est en fait que le retour instantané et éventuel de l'homme à la dimension dont il vient. L'homme vient de notre monde. Et lorsque nous disons que l'homme vient de notre monde, nous parlons de l'esprit de l'homme qui a évolué au cours des grandes périodes de l'évolution. Mais l'homme vient de notre monde et l'homme doit retourner à notre monde. Et pour que l'homme retourne à notre monde, il faut qu'il vive crise pour séparer la chimie de son électricité. La chimie du corps matériel est contrôlée par l'astral, l'électricité du corps matériel est contrôlée par nous. Mais aujourd'hui, la chimie a plus de puissance sur l'homme que son feu, que l'électricité. Et nous devons élever petit à petit le champ d'énergie électrique chez l'homme pour que cesse l'activité chimique astrale de l'homme. Autant il vous est essentiel et nécessaire aujourd'hui de respirer, autant demain vous n'aurez plus à respirer, parce que la respiration fait partie de l'activité astrale sur le plan matériel. Ce n'est pas les forces de la lumière qui font respirer l'homme, ce sont les forces des ténèbres. Et plus l'homme respire, plus il s'astralise, plus il descend dans la matière. L'homme, un jour, ne doit plus respirer. L'homme comprendra demain que la respiration est un phénomène de combustion et que tout phénomène de combustion est un phénomène chimique. L'homme ne doit pas respirer demain. Et c'est parce que l'homme respire qu'il est obligé de se soumettre aux lois de la matière. C'est parce qu'il respire qu'il est obligé de se soumettre aux lois de la densité. C'est parce qu'il respire qu'il est obligé de mourir pour continuer son souffle dans le monde de l'astral, dans le monde de la mort. Et la perversion du phénomène du souffle, la perversion du phénomène pulmonaire est tellement grande que les êtres qui sont dans le monde de la mort continuent aussi à respirer. Et c'est justement parce qu'ils respirent qu'ils maintiennent leur mémoire, parce que la respiration permet que la mémoire soit maintenue. Ce qui permet que la respiration continue sur la Terre, c'est parce qu'il y a encore trop de mémoire sur la Terre. Lorsqu'il n'y aura plus de mémoire sur la Terre, il n'y aura plus de respiration. Le phénomène de respiration fait partie de l'actualisation dans la matière des forces créatives de l'astral. Mais lorsque l'homme entrera dans une nouvelle évolution, lorsque l'homme entrera en contact avec une dimension parallèle, le phénomène de respiration n'existera plus et l'homme sera libre de la matière et automatiquement l'homme fera partie de la hiérarchie. Le danger de la respiration, c'est que la respiration doit avoir une forme. Il est impossible à un être de respirer sans qu'il y ait forme, que la forme soit solide ou qu'elle soit immatérielle. L'esprit de l'homme n'a pas de forme. Il peut créer une forme, mais il n'a pas de forme. Et s'il crée une forme, il situe cette forme là où il le désire. Et c'est pourquoi dans le phénomène de la crise, vous vivez l'intensité de vos émotions parce que vous vivez astralement d'une façon intensive pour changer la vibration de votre pulmonaire. Plus vous vivez de crise, moins vous respirez. Il a été dit dans la Genèse, dans le passé de l'enseignement de l'humanité, que lorsque Dieu créa la terre, lorsque Dieu créa l'homme, le souffle descendit dans le limon de la terre et l'homme fut. Ceci est une réalité astrale. Ceci est une fonction astrale. Ceci est une explication astrale de la réalité de l'homme. Mais ce n'est pas une réalisation qui demain sera concrétisée dans l'expérience de l'homme. Ce n'est pas une réalité qui convient à l'homme de demain. Ce qui a été dit dans le passé a servi dans le passé, mais ce qui sera dit demain conviendra à un autre jour. C'est pourquoi, tel que vous l'explique celui qui vous parle, il vous est nécessaire de comprendre dans le phénomène du problème humain qui fait partie de la condition de l'homme, que tout problème dans votre vie, quel qu'il soit, vous force à respirer à un rythme qui ne convient pas à la descente de notre énergie. C'est pourquoi l'homme de demain sera obligé, et nous forcerons certains hommes qui sont déjà évolués, à ne plus fonctionner sur le plan psychologique vis-à-vis leurs problèmes, mais à fonctionner en fonction de leur intelligence, c'est-à-dire de ce courant d'énergie que nous mettons en eux pour éliminer le problème afin qu'ils puissent, avec les années, respirer d'une façon haute, d'une façon moindre, afin que nous puissions commencer la dissociation moléculaire du corps physique et du corps éthérique. Vous avez le droit de respirer. Mais un jour, vous devez perdre ce droit afin d'acquérir le pouvoir de la vie dont vous ne connaissez pas la réalité. Nous vous parlons de respiration simplement pour convoquer à votre intelligence la nature de la vie qui est froidement éloignée de la distance que vous pouvez, vous, aujourd'hui, penser de cette réalité. La vie fait partie de l'énergie qui existe dans la Voie lactée et l'homme doit retourner à la Voie lactée. L'homme ne peut pas constamment demeurer sur un globe matériel aux confins de cette Voie lactée. L'homme doit retourner à la Voie lactée. Mais l'homme retournera à la Voie lactée lorsqu'il aura cessé de respirer tel qu'il le fait aujourd'hui. Nous ne vous parlons pas de respiration pour vous donner de la connaissance. Nous vous parlons de respiration pour vous faire réaliser que ce que vous savez de l'homme, de la nature de l'homme, ne convient pas à la nature du surhomme. Nous vous parlons ainsi pour vous faire avancer petit à petit dans une compréhension ultimement à l'extérieur de votre raison pour vous faire capter d'une façon subliminale des aspects de votre réalité qui conviennent à la crise. Vos crises de vie sont importantes pour nous parce que vos crises de vie élargissent la vision de votre intelligence et vous font comprendre ce que vous ne pouvez pas comprendre à l'extérieur ou sans ces crises. Alors, si vous vivez des crises, vous avez suffisamment d'informations vous permettant de vous retenir sur le plan émotionnel et de vivre ces crises sans subir trop de débordements psychologiques afin de développer une capacité mentale supérieure qui automatiquement vous éloignera des crises de vie et qui vous permettra éventuellement de vivre votre vie sur le plan matériel jusqu'au jour où nous déciderons de vous élever sur un autre plan, en paix et avec joie. Beaucoup d'entre vous ont l'habitude de se décourager lorsqu'ils souffrent. Vous devez apprendre à ne pas vous décourager lorsque vous souffrez. Vous devez apprendre à ne pas vous décourager lorsque vous souffrez. Vous devez apprendre à ne pas vous décourager lorsque vous souffrez.